baptême de l'air sans parachute pour tous les gauchos. Soit ils se transforment en viande hachée, soit ils nourriront les poissons. Faut plus de gens comme Augusto et Anders Breivik pour tous leur faire connaître le fabuleux destin de Clément Méric. Abuse la plaisante, il fera quoi de mieux pour leur remettre les idées en place. Un bon coup de semelle dans les maxillaires. Quand je suis un communiste, il faut rire, c'est tout ce que j'ai retenu. Scarface, on prône et place embarquée, je vous offre le tour de manège. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Plus cher sont les crochettes, non plus cher sont les cochettes. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Les gens copèrent chaque jour comme la team Rochette. Les écolos c'est comme les pastèques verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et comme j'aime l'art, je veux tous les rendre unicolores. Que les choses soient claires, je suis pas méniniste mais juste misogyne. Le vrai marxisme c'est partage ta chatte et pas paye ta chenille. Okay, camarade, j'ai mis ma bite dedans pour empêcher le vagin de monologuer. Éloigner les enfants, ça va saigner comme dans Princesse Mononoke. Je te coupe la tête au finisher, puis pour le kiff, je te chie dans le cou. J'ai la capacité de pardon du punisher. Donc voilà, j'ai un hélicoptère avec Augusto Pinochet. Plus cher sont les crochettes, non plus cher sont les cochettes. Voilà, j'ai un hélicoptère avec Augusto Pinochet. Les GMNP, je te jure, plus comme la team Rochette. Si t'es pas de la même, nique ta race. Viens faire un tour dans l'hélico, c'est bien plus fun que le Delta Plane. Je doute que ce son soit numéro 1 au hit parade. Mais on sait jamais, car paraît-il qu'hyper gagne. En tout cas, c'est la logique des boucas concernant la guerre d'Algérie. L'enorgueil en cache misère pendant qu'on les carchérise. Les déserteurs sont fusillés, pas seulement mis aux arrêts. Si tu veux t'amuser, demande au général au CRS. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Plus cher sont les crochettes, non plus cher sont les cochettes. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Les GKPR, je te jure, comme la team Rochette. Chicha, cheveux longs et barbe en poil de cul. Encore un spécimen de la team Beurette. Qui pour qu'elle reste vierge, prend sa cousine par le cul. Genre de créature qu'on croirait tout droit sortie d'un Tim Burton. Culturellement parlant, l'islam ça vole pas très haut. Quand ils enculent pas des chèvres, c'est qu'ils égorgent des moutons. Leur prophète, le pédophile, le culte du grand bounou suprême. Wallah, je te le jure, sur la tête de Mansour Ben Ismail. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Plus cher sont les crochettes, non plus cher sont les cochettes. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Les gécopères, je te jure, plus comme la team Rochette. 556 dans le cortex et ce sans sommation. T'auras pas le temps, j'arrête. Inch'Allah, pour toi c'est l'enfer. Je sais pas si leur dieu est grand, mais le mien les plus c'est certain. Aucun doute, celui qui a envoyé Mahomet, c'est Satan. Les disciples de l'islam sont les mêmes que ceux de Baphomet. Ce qui explique pourquoi ils lui rendent gloire en honorant des chefs. Puis je connais les bicots, moi je déteste les youpins. Et puis je me sens pro-Israël, je dois leur concéder cette prouesse. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Plus cher sont les crochettes, non plus cher sont les cochettes. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Les musulmans, je te jure, Pinochet, comme la team Rochette. J'ai la preuve vivante qu'on peut apprécier le couscous sans forcément qu'il en aille de même pour les bougnoules. Le problème serait déjà réglé si leur taux de mortalité était inversement proportionnel à leur niveau de moralité. Et parle-moi tes salam alek ainsi que tes salam alikou. Je suis plus dupe, dans mes écouteurs c'est du Amalek. Faudrait mettre à mort les fils de pute comme Marwan Mohamed. Ou face assis de moi proche de l'homo sapiens du dromadaire. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Plus cher sont les crochettes, non plus cher sont les cochettes. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Les GMP, je te jure, comme la team Rochette. J'suis Hitler, littéralement Céline, lyriquement antisémite, viscéralement, idéalement. J'veux un nouveau Reich, pour la déportation y'aura des listes d'attente. Antifa prioritaire, évidemment. Traité au Relsen de petit fils de pute serait néonasmique. Ce que j'fais c'est de la musique nègre mais qui est au nazi. Les pigeons ne volent pas avec les hétérodactyles. Donc j'te remets à ta place comme un négro en Afrique. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Plus cher sont les crochettes, non plus cher sont les cochettes. Voilà dans l'hélicoptère avec Augusto Pinochet. Les nazis gagnent toujours les cochettes. Finis cochettes. J'en passe une pour les vrais, les gros fachos qui trouvent le FN trop à gauche. Les métèques, on veut leur dire sayonara, pas konnichiwa. Ou comme Serge Ayoub leur faire ingérer des produits chimiques. Le grand remplacement c'est un secret de polichinelle. Quand t'as plus rien à perdre, y'a peut-être bien mieux à faire qu'un c'est coucou égoïste à la Dominique Vénère. Y'a tant de têtes dans lesquelles y'aurait du plomb à mettre. Mais ça reste bien plus fun que t'es du haut d'un lit.